Bonjour à chacun. Il m'avait dit tantôt que c'était alternate quelque chose. Ouais, comme ça. Extraordinaire. On vient de chanter « Tous mes besoins, c'est ta main qui les compte ». Croyez ça? N'importe lequel, là. Hein? Tous. Ouais. C'est un peu ce qu'on va voir à travers la lecture de Genèse chapitre 33. Mais pour arriver là, c'est que dans la vie de Jacob, il s'est passé divers événements. Et Dieu travaille dans la vie de Jacob comme dans nos propres vies depuis sa naissance, depuis les événements qui se sont passés dans son enfance et dans sa croissance, je dirais. Mais il l'amène à cet événement-ci, qui n'est pas la fin de sa vie, mais qui est simplement une étape que lui va franchir. Et on va regarder ça ensemble. Mais pour vous mettre un peu en contexte, j'aimerais vous faire réfléchir sur est-ce que vous autres, là, vous vivez des tensions dans vos relations? Est-ce que ça vous arrive de... Vous n'êtes pas obligé de toutes les dire. Guillaume, les yeux, on dirait qu'il n'a pas dormi. Mais est-ce que vous vivez des tensions des fois avec des gens, des proches, un peu, là? Okay? Ça peut être aussi bien votre entourage immédiat, votre travail. Des fois, vous avez des tensions avec vous-même. OK, c'est à un moment donné, il faut y régler, là, mais ça peut nous arriver. Et je dirais, est-ce que actuellement, tu es en chicane avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a des malentendus, là, vraiment, là, et qui a créé vraiment des qui te trouble, en fait. Ça te donne des émotions un peu tout à l'envers, là. Puis, mais est-ce que tu crois que Dieu peut t'aider vraiment dans cette circonstance-là en particulier? Celle que tu es en train de vivre. Que tu ne voudrais pas que personne vive ou que tu ne voudrais pas que les gens soient à ta place. Mais comment Dieu va s'y prendre pour rejoindre nos cœurs? Autant le mien que celui de l'autre, là, avec lequel je suis brouillé, embrouillé, mettons. Là, comment Dieu va faire pour aller nous rejoindre, nous deux? Je ne sais pas si je devrais lire Genèse 33 tout de suite, je pense que non. Mais je vais vous rappeler un peu ce que Christian a dit tantôt. C'est que Samuel, dans l'enseignement de Genèse 32, donc pour notre visiteur, nous, on passe à travers le livre de Genèse. Un chapitre par semaine. Et donc, Samuel, la semaine passée, nous a présenté la lutte de Jacob avec Dieu. Mais le résultat, qui est vraiment intéressant, c'est le résultat de cette lutte-là de Jacob avec Dieu, c'est que Jacob va sortir vainqueur, et c'est écrit que son âme va être sauvée. Donc, le rapprochement que Samuel nous a apporté, c'est que Jacob... non seulement vient de découvrir Dieu, parce qu'il l'a vu à l'œuvre à l'occasion, mais Dieu devient son Dieu. Ce n'est plus le Dieu, ça reste toujours le Dieu de son grand-père, le Dieu de son père. Mais avant cette étape-là de la lutte avec Dieu, c'est comme si lui, il n'avait pas rencontré Dieu personnellement. Et le texte nous dit dans Genèse 32 que Jacob était seul. Donc, à un moment donné, dans nos vies, nous, on se retrouve seul avec Dieu. Ni plus ni moins, on a un rendez-vous avec Dieu. Et ce rendez-vous-là a pour objectif de venir établir une relation profonde avec lui, mais dans le but d'être surtout réconcilié avec Dieu. Et il me semble que le chapitre 33 parle de réconciliation. Alors, on va le lire maintenant, et je vais tantôt revenir en arrière sur trois autres événements qui vont parler aussi de réconciliation. Peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir sous cet angle, mais je vais vous le présenter comme ça, en souhaitant rester fidèle aux Écritures. OK? Fait qu'on va lire Genèse 33, si vous voulez, ensemble. Et je vais commencer maintenant. Je suis dans la version seconde. Si jamais vous aviez une traduction différente, là, ça se peut que les mots ne soient pas les mêmes. Donc, Genèse 33, verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là? » Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré? » Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons et mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Mais pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Et le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Jacob partit, lui, pour Succot. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Succot ou Succot. À son retour à Padan-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville, il acheta la portion du champ où il avait dressé ses tentes, des fils d'Amor, fils de Sichem, pour 100 kesita. Et là, il éleva un autel, il l'appela El Eloé Israël, c'est-à-dire Dieu est le Dieu d'Israël. Je vais me concentrer principalement tantôt sur les versets 1 à 17. Et je vais laisser les versets 18 à 20 pour celui qui va me suivre, parce que c'est comme une introduction pour l'autre chapitre. Alors, ce dont je vais parler avec vous, c'est de la réconciliation. Et comme le titre le dit en bas, c'est la réconciliation et l'intervention de Dieu dans le cœur des gens. Et là, on va faire un peu une récapitulation. Donc, on va aller voir que dans la vie de Jacob, avant cet événement-là, il y a eu 3 réconciliations. Et là, je vais vous faire voyager un peu dans le temps, mais aussi je vais vous amener dans des textes. Et là, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout lire ça, là, mais je vais juste vous orienter. Donc, au début, c'est que Jacob est allé chez Laban pour trouver une épouse. Il a trouvé une épouse. Il a vécu là pendant 20 ans. Et en même temps, il s'est enrichi, il a eu des troupeaux et un peu tout ça, mais à un moment donné, Jacob, il s'enfuit de chez Laban sans l'avertir. On est au chapitre 31, le verset 1 jusqu'à 21. Ce qui va s'en suivre, c'est que Laban ne trouve pas ça drôle. Il n'aime pas ça du tout. Et Laban va le poursuivre. Donc, il vit avec des gens de sa famille, des gens de sa maison, et va le poursuivre. On est dans Genèse 31, versets 22 à 30. Et là, ce qu'il va déclarer, c'est qu'il va dire « ma main », et bougez pas, je vais vous le lire. On dit le verset 22 à 30 dans 31. De verset 29, il dit « ma main est assez forte pour vous faire du mal ». Donc, ni plus ni moins, son intention du départ, c'est que lui, non seulement il est offensé, blessé de ce qu'il n'a pas pu embrasser ses filles, embrasser ses petits-enfants, faire une fête pour le départ. Non seulement il est comme ça, mais il dit, en cours de route, là, moi, je viens avec une mauvaise intention. Je viens pour te, ni plus ni moins, te châtier parce que tu t'as fui dans une situation qui est inacceptable. Mais il va dire, ma main est assez forte, mais voici comment Dieu intervient. Dieu intervient comme ça. Il va dire, pendant qu'il est sur la route, en train de poursuivre son gendre, voici ce que Dieu dit. Genèse 31, verset 24. « Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'Araméen et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien. » ni en mal. » Est-ce que Dieu sait ce que Laban vit? Et est-ce que Dieu sait ce que Jacob vit? Mais quel est l'objectif de Dieu? Ce n'est pas que les gens se quittent dans des mauvais termes. Ce n'est pas qu'on reste avec quelque chose dans notre cœur qui va nous nuire pendant notre vie. Ça, ce n'est pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que Laban et Jacob se réconcilient. Alors, comment Dieu fait? Dieu, c'est qu'il connaît le cœur de Jacob et il va le protéger, lui. Parce que Dieu a sa main sur lui. Et Jacob est dans la lignée de tout le peuple d'Israël. Donc, Dieu veut le garder. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît les intentions de Laban et il va avertir Laban d'avance. « Fais attention à ce que tu vas dire à Jacob. Pourquoi? Moi, Dieu, je suis son défenseur. Je te connais, toi, mais je suis le défenseur de Jacob. Fait que fais attention à ce que tu vas lui dire. » Verset 29, quel verset que je vous lisais tantôt, Laban a dit, « Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais Dieu, le Dieu de votre père, m'a dit hier, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Vous voyez quelque part que ce que Dieu fait, c'est qu'il intervient, mais il vient agir dans le cœur de chacun. Il va agir dans le cœur de Jacob, il va agir dans le cœur de Laban. Et qu'est-ce qui va en résulter? C'est qu'il va en résulter une alliance de paix. Et la seule façon dont ça peut se produire, c'est que Dieu vient comme travailler le cœur et changer. Il vient même de changer les intentions de Laban. Qu'est-ce qui va se produire? Ils vont construire un monument. Un monument, ils appellent ça une stèle. Donc, ils placent une roche avec plusieurs roches. Donc, ni plus ni moins, c'est visible. C'est très visible, c'est très tangible. Ils le voient de loin. Et Dieu, lui, va être le témoin de cette alliance-là entre les deux. Et quelle est l'alliance? C'est qu'ils ne vont pas aller l'un vers l'autre avec des mauvaises intentions. Ah, regardons ça. Ce n'était pas l'intention initiale de Laban. Mais si Dieu n'intervient pas, cette réconciliation-là ne sera pas possible. Alors, Dieu va intervenir. Pourquoi? Il veut que Jacob apprenne, premièrement. Apprenne qui est Dieu et apprenne que quand Dieu lui dit quelque chose, c'est sûr qu'il va le faire. Il a dit qu'il était pour le protéger du début jusqu'à la fin et qu'il était pour le ramener dans son pays en paix. Donc, il est en train de réaliser ça. Dieu va lui accorder la bénédiction. OK? On est au chapitre 31 toujours. Et je vais aller verset... Bougez pas une minute. On a dit 44. 44, ça dit, « Laban répondit et dit à Jacob, « Ses filles sont mes filles. » Ah non, excusez-moi. « Viens, faisons alliance avec moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Et c'est là qu'ils ont pris la pierre et puis qu'ils l'ont mis en place. Mais en même temps, même si la réconciliation, elle a eu lieu, ce qui s'est produit là, c'est qu'ils vont faire un repas. C'est intéressant parce que s'asseoir autour d'une même table, ça rapproche vraiment. Et ça permet de discuter en même temps. Mais quand la réconciliation, elle est complète, elle est comme entière, il n'y a aucune objection à ce qu'on puisse s'asseoir ensemble, manger ensemble. Et après ça, chacun va partir de son côté. Comprenez? C'est qu'on ne va pas nécessairement rester toujours ensemble. Parce que le travail que Dieu ou la mission que Dieu va confier à l'un et l'autre n'est pas la même. Donc, ce qui va se passer, c'est que Jacob va continuer son chemin et Laban va revenir chez lui. C'est la première réconciliation qu'il va vivre, que Jacob va vivre. Mais rappelez-vous que sans l'intervention de Dieu, cette réconciliation-là entre Laban et Jacob aurait été impossible. Sans son intervention. Et Dieu va rester le témoin, le gardien de l'alliance qu'ils ont pris ensemble. Il y a une deuxième réconciliation qui s'est passée, c'est celle que Samuel vous a racontée la semaine dernière. On est dans le chapitre 32. C'est que Jacob se retrouve tout seul avec Dieu. Il a mis ses femmes, ses enfants en sécurité, et là, il s'en va à part, et il est tout seul avec Dieu. Et c'est là qu'un jour, comme je vous disais tantôt, que chacun de nous, on a ce rendez-vous-là un jour avec Dieu. Dans mon cas, c'est arrivé, j'avais 28 ans. Ça fait un bon bout de temps. Mais ce rendez-vous-là était vraiment fixé, préparé, planifié par Dieu. Le lieu où j'allais était destiné, les gens que je rencontrais étaient destinés sans que moi que je les connaisse. Mais Dieu avait un rendez-vous avec moi. Pourquoi? Pour que je reconnaisse que j'avais besoin de lui, que j'avais besoin d'être sauvé par Jésus-Christ et qu'il voulait que j'appartienne à une église, une famille, sa famille à lui. Et comment Dieu va intervenir? Je vais lire Genèse 32, 24 à 32, donc dans le cas de Péniel. Donc, Genèse 32, à partir du verset 24. « Jacob demeura là seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il lui dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea, en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsque passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants de Dieu ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Ce qui s'est passé dans l'intervention de Dieu, cette fois-là, lui-même, personnellement, avec Jacob, c'est qu'il l'a amené à considérer, comme Samuel nous l'a expliqué la semaine dernière, que celui qui lutte avec lui est puissant. C'est l'Éternel Dieu qui peut toutes choses. Et juste dans un combat, on pourrait dire physique, un combat de chair, il va juste le blesser, mais on doit savoir que Jacob va être blessé tout le restant de sa vie. Ça va lui rappeler cet événement-là, cette rencontre-là avec l'Éternel. Mais en même temps, Dieu va changer son nom. Rappelez-vous cette étape-là. Dieu va le bénir. Il va être béni de Dieu. Et son âme est sauvée. C'est là le rapprochement que Samuel nous apportait, que là, Dieu devient son sauveur. Dieu devient son Dieu. C'est le Dieu d'Israël. El Eloé Israël. Dieu devient son nom. C'est la deuxième réconciliation. Encore là, sans cette intervention de Dieu-là dans la vie de Jacob, cette réconciliation-là avec Dieu cette fois-là, elle n'aurait pas été possible. Ce que Dieu vient de faire dans ce cas-ci, c'est qu'il sait qu'Ésaü s'en vient. Et Jacob est rempli de crainte. Il est rempli de peur. On sait tantôt qu'il va envoyer des troupeaux, il va envoyer... Donc, il a toute une mise en scène pour apaiser le cœur de son frère. Enfin, Dieu est au courant de ça. Mais dans cette rencontre-là avec Dieu, ce qui va se produire à cause de que Jacob décide de croire l'Éternel, c'est que Dieu va apaiser ses craintes, mais il va le rendre fort pour les étapes qui viennent d'après. Il va le rendre fort pour rencontrer, pour faire face aux gens. Il va le rendre courageux pour faire ce qu'il doit faire. Donc, la rencontre que vous avez avec Dieu, ça va non seulement sauver vos âmes, mais ça va vous donner énormément de force dans la vie. Des décisions à prendre qui sont difficiles. Allez voir des gens que normalement vous n'iriez pas. Lui faire face. Dans le texte qu'on a lu tantôt, c'est marqué que tu as lutté avec des hommes, avec Dieu et avec des hommes. Il vient de passer avec, comme on pourrait dire, une rencontre avec Laban, qui aurait pu le démolir. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a un autre qui s'en vient, avec son frère Ésaü. Donc, la troisième rencontre, la troisième réconciliation, c'est de Jacob avec Ésaü. Ce qui est vraiment intéressant, je vous dis là, regardez bien le cheminement, c'est que c'est Jacob, qu'on pourrait dire qui est, aux yeux d'Ésaü, l'offenseur. C'est Jacob qui initie la rencontre. Genèse 32, le verset 3 à 5, que je vais vous lire. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à ses yeux. » Donc, c'est celui qui est, on pourrait dire que Ésaü voit comme étant le coupable parce qu'il a usurpé sa bénédiction. C'est lui qui va initier la réconciliation. C'est lui que Dieu a fortifié, c'est lui que Dieu a rencontré et qui l'amène à poser un geste concret. Qu'est-ce que Jacob fait quand il est effrayé? Il envoie des présents. Dans le but d'attendrir, dans le but de faciliter la rencontre. Genèse 32, 6 à 8 et 11 à 21. Mais par contre, il fait appel à Dieu. Il demande à Dieu, « Délivre-moi de la main d'Ésaü. » Donc, il reconnaît sa faiblesse, il va le dire dans le texte. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu qui est tout-puissant. Et il reconnaît que si Dieu n'intervient pas, la réconciliation avec son frère, elle ne sera pas possible. Ça n'arrivera pas. Et là, voici qu'Ésaü arrive. Genèse 33, verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Avant ça, Jacob est pris de panique. Parce qu'un peu comme Samuel nous l'a raconté la semaine dernière, Ésaü, c'est un homme de combat, c'est un homme de guerre. Il arrive avec 400 hommes. La chose que Jacob ne connaît pas, c'est les intentions d'Ésaü. Il ne sait pas pourquoi il s'en vient et pourquoi il arrive avec 400 hommes. Sauf que lui, il va demander à Dieu de le protéger parce qu'il dit que Jacob pourrait lui, Ésaü pourrait lui faire du mal. Et quand on utilise le mot « pourrait lui faire du mal », c'est qu'il pourrait même le tuer. D'ailleurs, c'était les intentions d'Ésaü au commencement, lorsque Jacob a pris la bénédiction, en fait, que Dieu a donné à Jacob la bénédiction qui lui était destinée. Mais quand Ésaü arrive, Jacob continue un peu dans sa même façon de réfléchir. Donc, il dit, je vais envoyer des troupeaux en avant, je vais attendrir le cœur, et ensuite, je vais envoyer mes épouses avec les enfants. Mais il y a une ligne qui est vraiment intéressante, et je vais vous la souligner. C'est marqué que, chapitre 33, verset 2, « Il plaça en tête les servantes et leurs enfants. » Donc, vous voyez la chronologie, là, la séquence de présentation. Ce sont les servantes de ses épouses. Donc, il les place, elles, en avant. Ensuite, il place Léa avec les enfants. Elle en a 6 et 7 avec Dina. Et il place ensuite Rachel avec Joseph. Donc, c'est toujours sa préférée, avec son enfant, avec l'enfant qu'il a eu dans son âge avancé. Donc, il la garde pour un dernier. Mais voici là où je vais attirer votre attention, c'est sur le début du verset 3. C'est marqué que lui-même passa devant eux. Ça a l'air insignifiant, mais ça fait toute une différence. Ça fait toute la différence que Jacob, parce que Dieu l'a fortifié avant, parce qu'il a décidé de faire confiance à Dieu et que Dieu serait son Dieu, c'est que c'est lui qui s'en va en avant de ce groupe-là. C'est lui qui va affronter Ésaü. Je vais regarder mes notes et je vous reviens, ça ne sera pas long. Mais qu'est-ce qui se passe quand Ésaü arrive? Regardez bien. Ésaü courut à sa rencontre. Donc, il n'est pas encore proche, là. Il est quelque part dans le coin de Landry, là-bas. Là. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Ésaü pour que ce soit ça qui arrive? 20 ans auparavant, il voulait le tuer. Mais il ne voulait pas le tuer n'importe quand, juste quand notre père va mourir. Okay? Ça n'arrivera jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que lui arrive de cette façon-là? C'est que Dieu est intervenu. C'est le Seigneur qui est intervenu, tu as raison, Luc. C'est le Seigneur qui est intervenu. C'est qu'il a changé le cœur d'Ésaü de la haine du début en amour pour son frère. Et voici comment ça va se concrétiser, comment ça va se manifester. C'est que non seulement il va le prendre par la main pour le faire lever, parce qu'il est à plat ventre. Il va le prendre dans ses bras, il va l'embrasser et les deux vont pleurer. 20 ans d'écart entre les deux. On ne sait pas s'ils se sont vus, jamais. L'Écriture n'en parle pas. Mais il est tellement, je dirais, les deux sont tellement épris l'un pour l'autre d'avoir été séparés si longtemps qu'ils n'ont pas besoin de parler. Se prendre dans ses bras et juste pleurer l'un avec l'autre, c'est suffisant. Je connais une famille qui ont des jumeaux. Et Ésaü et Jacob sont jumeaux. C'est très particulier. La relation que les deux ont, c'est très, très, très, très particulier. Ils vont même deviner d'avance ce que l'autre va dire. Et à un tel point, des fois, qu'ils vont aller dans un endroit et les gens vont avoir de la misère à les reconnaître tellement ils sont pareils. Exemple, les deux, ce sont des voyageurs, ils s'en vont en Chine. Leur père est né en Chine, et les enfants vont en Chine, ils ont comme mission un peu de travailler dans cette zone-là. le plus jeune, Marc, il va arriver dans une ville en Chine, il va aller demeurer dans une auberge jeunesse. Il va être dans une chambre, il va dormir là, OK? Puis il va partir. Après ça, il s'en va voyager à une autre place de la Chine. Son frère, Tim, revient quelques temps plus tard. Il va dans la même auberge jeunesse, la même chambre. Et les gens qui sont là disent, « Ah, salut Marc! » Il dit, « Je ne m'appelle pas Marc, je m'appelle Tim. » Il dit, « Non, tu t'appelles Marc, tu étais là, là, il y a une couple de temps. » Il dit, « Non. » Il dit, « C'est mon frère que vous avez vu. » Mais ils sont tellement pareils et tellement un cœur semblable que les gens les reconnaissent. Mais voyez cette complicité-là qui existe entre Marc et Tim. C'est cette complicité-là que Dieu vient de réaliser entre Ésaü et Jacob. Ça nous apparaît peut-être comme étant simple, ordinaire. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de changer le cœur des êtres humains. Donc, passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Et ça va se faire à travers Jésus-Christ. Donc, il va insister pour qu'il accueille ses biens. Jacob va insister. Ni plus ni moins, la réconciliation a tellement de valeur que tout ce que je possède, ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, garde le présent que je t'ai donné. Garde-le. Même si tu vas devoir travailler pour les nourrir, ça, ce n'est pas mon problème. Mais j'aime tellement que Dieu nous ait rapprochés que garde les biens. Il va persister à bénir son frère. Okay? C'est-à-dire qu'il va vouloir... Ésaü va vouloir l'accompagner. Comprenez ce que ça veut dire, là. Jacob ne passe pas souvent dans ce territoire-là, là. Et son frère demeure à Séhir, qui est quelque part en bas de la mer Morte, là, à droite de la mer Morte. Et le trajet qu'il va faire, il va dire même dans le texte, là, bougez pas que je vous le cite, là. J'ai oublié d'écrire le verset, le chapitre, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Bougez pas, 12 à 14. Il dit, partons ensemble. Et Jacob dit, non, je vais y aller à mon rythme, OK? Il va dire, prends les devants. Et moi, je suivrai en arrière. Il dit, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Voyez-vous la réconciliation jusqu'où ça va? C'est qu'il est prêt à aller chez lui. Alors qu'avant ça, là, il se fuyait. Les intentions n'étaient pas les mêmes. Il est prêt à s'en aller jusque chez lui, dans sa maison. Et pour lui, lorsque Ésaü lui propose de lui laisser des hommes pour l'accompagner, donc Ésaü connaît plus ce secteur-là, c'est plus là où il habite. Donc peut-être qu'il y avait des dangers sur les routes, on n'en a aucune idée. Jacob, il dit non. La protection de Dieu me suffit. Et regarde, je vais aller de l'avant, je vais faire ce que Dieu me demande. Mais il y a une réconciliation extraordinaire qui s'est passée dans l'humanité, qui surpasse ces trois réconciliations-là qu'on a vues. C'est la réconciliation de Dieu avec nous. Et Dieu, il intervient. Et c'est lui qui est l'offensé, prend l'initiative. Et là, je vous invite à tourner dans Colossiens, chapitre 1, le verset 19 à 22. Et regardez la réconciliation, comment ça se produit. Colossiens, chapitre 1, le verset 19 à 22. Colossiens 1, 19. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, c'est Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant quoi? La paix par lui, par quel moyen? Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois quoi? Des étrangers et des ennemis de qui? De Dieu. par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant, quoi? Réconciliés. Par quel moyen? Par la mort de Jésus dans le corps de sa chair. Pour vous faire quoi? Paraître devant lui dans quel état, dans quelle situation? Saint, irrépréhensible, sans reproche. Voyez ce que la réconciliation fait. C'est que celui qui est offensé prend l'initiative d'envoyer son propre fils, son unique, vers nous, dans le but qu'on soit réconcilié, mais ce qu'il demande à Jésus, c'est de donner sa vie pour nous. Et ce que ça a comme résultat, c'est que Dieu, il ne va pas nous imputer nos fautes. Au contraire, il va nous déclarer saints, irrépréhensibles et sans reproche. Allez voir 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 à 21. Il dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est réconcilié avec Dieu, si quelqu'un accepte le sacrifice de Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. » Donc, faites le rapprochement avec Jacob, dont le nom va être changé en Israël. Vous êtes une nouvelle créature. Jacob est passé d'un homme craintif, il va devenir un homme fort qui va aller faire ce que Dieu va lui demander. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Votre ancienne vie devant Dieu, elle est effacée. Plus rien qui existe. Et tout cela vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par quel moyen? Par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Intéressant. Non seulement notre nature est changée, mais nous faisons le ministère que Dieu a fait envers nous. Nous avons la responsabilité, le ministère de réconcilier les gens avec Dieu. On est une extension de sa main. C'est l'Église. Tantôt, je vous ai fait remarquer que quand Jacob, dans toute sa préparation pour arriver devant Ésaü, que Jacob, il s'était mis en avant pour faire face à son frère. Et là, je vais vous amener dans Jean, chapitre 18, versets 1 à 9. C'est le parallèle qui s'est produit dans mon cœur, je dirais, en observant ces quelques mots-là dans Genèse 33. Et le rapprochement va se faire avec Jésus. On vient de voir que Jésus est celui qui va donner sa vie et qui va nous réconcilier avec le Père pour que l'on soit saint, irrépréhensible, sans reproche devant Dieu. Regardez bien ce qui se passe. On est dans le jardin de Gethsémani. Jean, chapitre 18, verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel entra lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoya les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Ça ressemble pas un peu à Ésaü et sa gang? Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Il leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. C'est impossible qu'un homme qu'on veut arrêter nous dise ça. Faites-le dire par quelqu'un d'autre, là, mais pas moi qui vais le dire. Là. C'est écrit de Jésus qui s'est offert lui-même. Il leur a donné sa vie. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Et voici, Jésus répondit, « je vous ai dit que c'est moi. Si c'est donc moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Et on sait que Judas va embrasser Jésus. Il va livrer Jésus par un baiser. C'est comme tout le contraire de ce qui s'est passé dans Genèse 33. Et celui qui est livré, c'est Jésus. Et lui n'aura pas peur pour nous. Il va aller en avant et il va donner sa vie. Lorsque Dieu nous réconcilie avec lui-même par Jésus-Christ, ce qu'il fait, c'est qu'il change nos cœurs. Il change notre relation avec Dieu. D'ennemi, on devient saint et irrépréhensible. De quelqu'un, un humain, on pourrait dire ordinaire, on devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Plus que ça, on devient ambassadeur pour Christ, ayant le même ministère. Ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas déjà fait dans vos vies, c'est d'accepter la réconciliation que Dieu vous offre par Jésus-Christ. Donc, devenir saint, ou on va dire parfait dans ce monde, ça ne dépend pas de nos œuvres. Ça dépend de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et proclamer la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, c'est le ministère que chacun de nous, on a. Sans l'intervention de Dieu dans nos cœurs, sans l'intervention de Dieu dans le cœur de Laban, d'Ésaü, de Jacob, de chacun de nous, il aurait été impossible d'aller vers celui qui nous a offensés. En fait, c'est impossible d'aller vers celui qui nous a offensés parce qu'on va dire on est trop blessé. J'ai trop blessé, je souffre trop, je ne peux pas aller le voir. Sauf que, en Jésus-Christ, c'est possible. Ou celui qui m'a offensé, celui que moi j'ai offensé, ou que celui qui m'a offensé, autant dans une direction que dans l'autre. Si la réconciliation avec Dieu ne s'est pas produite, je ne serai pas capable d'y aller. J'ai besoin que Dieu me réconcilie avec lui-même. Et ensuite, je vais pouvoir y aller, comme Jacob s'est levé. Je serai incapable d'affection pour l'autre. Qu'est-ce que Ésaü fait? Il le prend dans ses bras, il l'embrasse et les deux pleurent ensemble. Je ne serai capable jamais de faire ça si je ne suis pas réconcilié avec Dieu. Et si je n'ai pas saisi quelle réconciliation lui a fait à mon égard par Jésus-Christ. Ça l'a coûté la vie de son propre fils. Et je ne serai jamais capable non plus de rassurer l'autre, de lui assurer de ma protection, de ma défense. Car si jamais quelqu'un revient avec une telle circonstance, puis qu'il vient pour te pointer toi ou t'accuser toi, c'est moi qui vais te défendre. Pourquoi? Dieu m'a réconcilié. Et je sais ce que c'est, je sais ce que ça l'a coûté. Et plus que ça, c'est que si je n'ai pas été réconcilié avec Dieu, je vais être incapable de donner mes biens à qui que ce soit. Je ne voudrais pas partager mes avoirs, j'ai travaillé tellement dur. Si vous saviez combien de surtemps j'ai fait dans ma vie pour être capable de ramasser ce que j'ai, comprenez? Mais là, c'est qu'il n'y en a plus de limite. Mes biens servent à glorifier Dieu. Mes biens servent comme une preuve de réconciliation. Ce qu'on doit faire, frères et sœurs, c'est vraiment remercier Dieu pour cette réconciliation-là qui s'est produite. Et cette réconciliation-là, c'est la volonté de Dieu, l'initiative de Dieu. Et s'il a été capable de le faire dans la vie de Jacob, face à des hommes qui, pour lui, avant ça, étaient des géants, mais Dieu lui a dit qu'il était pour avoir la victoire sur les hommes. Et Jacob a la victoire sur les hommes. Dieu a tenu parole. Mais exerçons en même temps ce ministère-là de réconciliation. Entre nous, quand les circonstances présentent, avec les gens de notre famille, avec les gens du dehors, avec les gens de notre travail, avec ceux qui nous agressent. Racontons-leur comment une réconciliation peut se produire. Puis si vous avez le goût de leur lire Genèse 33, bien vous leur lirez, puis ça va vous donner l'occasion de donner le contexte. Mais croyons surtout que Dieu est puissant pour réaliser la réconciliation qui, aujourd'hui, nous apparaît impossible entre deux personnes blessées, offensées, détruites. Croyons que c'est vrai et que Dieu va l'accomplir. On a juste à le lui demander. Je vais prier et ensuite on va passer la parole à Christian. Seigneur, merci infiniment pour d'avoir été tenace envers nous. Tu as été tellement patient, Seigneur. Et comme on l'a chanté tantôt aussi, Seigneur, c'est que bien que tu aies, je dirais, changé nos cœurs, que tu nous aies accueillis dans ta maison, que tu nous aies donné une mission, une œuvre à accomplir, des bonnes œuvres à accomplir, toi, Seigneur, tu demeures fidèle même quand nous, nous sommes infidèles. Dieu, ta fidélité va jusqu'au nu. Si vaste est ton amour plus que l'horizon. Alors Dieu bénit mes frères et sœurs et donne-nous de nous rappeler surtout le prix de la réconciliation que nous avons avec toi et l'assurance que tu nous donnes, Dieu, d'être toujours avec toi et que toi, tu es toujours avec nous. Père, montre-nous dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, comment, Seigneur, interpeller les gens à être réconciliés avec toi. En fait, c'est pour la gloire de ton nom. Nous, on veut le faire par obéissance, par amour pour toi. En Jésus-Christ. Amen.